La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mercredi, c'est le troisième temps de notre série consacrée à Milan Kundera dans la compagnie des auteurs. Milan Kundera, qui est né à Brno en 1925 dans ce qui était à l'époque la Tchécoslovaquie. Il entre dans la carrière des lettres par la poésie, un genre qu'il abandonne après quelques années car il le juge trop lyrique. Puis c'est avec un recueil de nouvelles, Risibles amours et enfin un roman, La plaisanterie, qu'il choisit définitivement le genre de la prose pour s'exprimer littérairement. Après avoir été interdit d'enseigner et de publier dans son pays durant plusieurs années, il émigre vers la France en 1975 où il sera professeur de littérature à l'université de Rennes pendant 2 années. C'est aussi le début d'un deuxième cycle littéraire durant lequel il écrit en tchèque dans son nouveau pays, la France. Le troisième et dernier cycle débute en 1995 avec la publication de La Lenteur, premier roman rédigé directement en français. Tout cela, nous l'avons vu lundi au cours d'une émission avec François Ricard, toujours disponible en podcast. Et puis mardi, c'était avec Martine Boyer-Weinmann, nous avons exploré la théorie du roman chez l'écrivain franco-tchèque. Enfin, demain, nous parlerons en première partie avec Hélène Batty-Delalande de la question de l'engagement, ou plutôt de son absence chez Kundera. Et puis François Taillandier évoquera son rapport d'écrivain avec l'auteur de L'insoutenable légèreté de l'être et de L'art du roman. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour plonger dans le thème de l'amour tel qu'il se présente dans les romans de Kundera, nous sommes avec vous, Alain Finkielkraut. Bonjour. Bonjour. Vous êtes académicien, professeur émérite à l'école polytechnique. Vous animez depuis plus de 30 ans l'émission Réplique sur France Culture et vous publiez des livres depuis plus longtemps encore. Le premier ayant été celui que vous aviez signé avec Pascal Bruckner, Le Nouveau Désordre Amoureux, que vous aviez publié en 1977 aux éditions du Seuil dans la collection de Denis Roche, Fiction et Compagnie. L'amour est donc l'un de vos sujets de prédilection, Alain Finkielkraut. Oui, c'est vrai. L'amour est un sujet que je traite. Je le constate aujourd'hui. Je n'avais pas prévu comme ça. Je ne l'avais pas prévu comme l'amour ça. L'amour vous a rattrapé. Oui. L'amour m'a toujours passionné, si je puis dire. D'abord parce que c'est une expérience que je vivais. En la vivant, je voulais la comprendre. Donc, nous avons commencé avec Pascal Bruckner. Et nous avons écrit ensemble Le Nouveau Désordre Amoureux. Il m'a mis d'ailleurs Bruckner le pied à l'étrier. Moi, j'écrivais des articles dans des revues confidentielles. Et lui avait déjà à son actif deux romans et aussi d'ailleurs un essai sur Fourier comme l'auteur d'une utopie amoureuse. Et ensuite, le sujet ne m'a pas quitté puisque, réfléchissant à partir de Lévinas, j'ai écrit La sagesse de l'amour et, plus tardivement, il y a quelques années, Et si l'amour durait, où je traite de l'œuvre de Kundera, mais aussi du professeur de désir de Philippe Roth, notamment de la princesse de Clèves et des meilleures intentions de Bergman. Donc vous n'êtes plus l'amoureux que vous étiez quand vous avez publié votre premier livre, Le Nouveau Désordre Amoureux. Peut-être avez-vous, comme les personnages de Kundera dont on va parler, évolué dans votre manière d'aimer, Alain Finkielkraut. Oui, mais la chance de ma vie, c'est que je ne suis pas moins amoureux que je ne l'étais quand j'écrivais Le Nouveau Désordre Amoureux. Peut-être même, puis-je dire, que je le suis davantage. Et donc, comme les personnages de Kundera. Oui, alors mais simplement, je me suis interrogé à partir de mon existence sur l'amour comme émerveillement continué. Et je me suis posé la question de savoir si des romanciers ou des poètes traitaient de cette question. Et en fait, je n'ai jamais trouvé de réponses, c'est-à-dire j'ai beaucoup lu sur l'amour et des livres qui m'ont éclairé, mais je n'ai jamais trouvé dans la littérature d'équivalent précis à l'expérience amoureuse qui était la mienne. Mmh. Et il faut peut-être écrire ce livre, alors Alain Finkielkraut, vous-même. Il faudra que j'écrive moi-même. Bah peut-être, oui. Peut-être, oui, mais là, la pudeur me retient. La pudeur vous retient. Bon, alors on va parler de l'amour dans les romans de Kundera. Vous le disiez, c'est un thème que vous avez abordé dans votre ouvrage « Et si l'amour durait ?» publié chez Stock en 2011, aujourd'hui repris dans la collection de poche Folio Gallimard. Et dans ce livre, vous commencez par nous rappeler le roman chez Kundera est un roman vu comme art ironique, et l'ironie, ça n'est pas sans rapport avec notre sujet d'aujourd'hui, l'amour. Non. Alors l'ironie, je voudrais faire, à propos de l'ironie, une toute petite rectification à votre présentation. Kundera est né en 1929. Ah, pardonnez-moi. Et il est né le 1er avril 1929. Oui, c'est assez drôle. Et c'est quand même comme un jour prédestiné pour l'auteur de la plaisanterie. Voilà, cette rectification étant faite, oui, Kundera définit le roman comme l'art ironique, c'est vrai. Et cette ironie est omniprésente chez lui, une ironie qui n'a jamais rien de méprisant. C'est pas l'ironie supérieure de celui qui regarde l'humanité de haut. C'est une ironie qui peut se nuancer de tendresse. C'est une ironie qui le conduit à reprendre à son compte ce proverbe yiddish. L'homme pense, Dieu rit. Une ironie sur l'humanité elle-même et sa finitude et sa manière pataude, dérisoire et quelquefois dangereuse de vouloir dépasser la finitude. Donc désabusée. Oui, et c'est une ironie qui s'applique à l'amour. Bien sûr, Kundera parle, enfin, l'expérience amoureuse est omniprésente dans l'œuvre romanesque de Kundera, mais Kundera n'épargne pas l'amour, car il voit l'amour se dévoyer, notamment sous nos climats, notamment en Occident, notamment sous l'influence du romantisme, en amour de l'amour. Mmh. Et voilà, il veut introduire une sorte de distance, voire de contradiction entre l'amour et l'amour de l'amour. Et donc l'amour trajet se perd dans l'amour de l'amour. Tout d'un coup, on se regarde aimer, on s'aime aimer, on savoure l'intensité de l'amour au détriment de l'objet aimé. Mmh. Et donc, Le trajet, pourrait-on dire, des personnages, ou de beaucoup de personnages, de Milan Kundera, c'est de passer de cet amour de l'amour à ce que vous appelez, enfin vous n'êtes pas le seul, l'agapé, c'est-à-dire, vous nous le définirez, mais disons, un amour qui est plus chrétien et qui relève du don gratuit. Alors on va entrer dans les différentes phases de ce trajet, si vous le voulez bien. Je voudrais d'abord qu'on commence par écouter un extrait de Risibles Amours, et en particulier de la nouvelle Le jeu de l'autostop, pour entrer dans cette première séquence. Jamais elle ne s'était déshabillée comme ça. La timidité, la sensation de panique au plus profond de son être, le vertige, tout ce qu'elle éprouvait quand elle se déshabillait devant lui et qu'elle ne pouvait se dissimuler dans l'obscurité, tout cela avait disparu. Elle se tenait devant lui, sûre d'elle-même, insolente, en pleine lumière, étonnée d'elle-même quand elle découvrit soudain les gestes jusqu'alors inconnus d'un irritant déshabillage au ralenti. Attentive au regard de son ami, elle retirait ses vêtements l'un après l'autre, amoureusement, et savourait chaque étape de ce dépouillement. Mais ensuite, quand elle fut soudain complètement nue devant lui, elle se dit que le jeu ne pouvait pas aller plus loin. Qu'en se dépouillant de ses vêtements, elle avait jeté son masque et qu'elle était nue, ce qui signifiait qu'elle n'était plus qu'elle-même, qu'il devait faire un pas au-devant d'elle, un geste de la main pour tout effacer, et au-delà duquel il n'y aurait place que pour leur plus intime caresse. Donc elle était nue devant son amie et elle avait cessé de jouer. Elle se sentait gênée, Et ce sourire qui n'appartenait vraiment qu'à elle, ce sourire timide et confus, apparut sur son visage. Mais il restait immobile. Il ne faisait pas ce geste pour signifier que le jeu était terminé. Il ne voyait pas ce sourire, pourtant si familier. Il ne voyait devant lui que le beau corps inconnu de son ami qu'il détestait. Un extrait lu par Jean Levray de la nouvelle Le jeu de l'autostop, extrait de Risibles amours, le premier recueil de nouvelles de Milan Kundera. On est donc là très tôt dans le rapport de Milan Kundera avec l'amour, mais finalement ça n'a pas tellement évolué. On a l'impression que assez tôt finalement, après la période lyrique durant laquelle Kundera est lui-même poète, se cristallise sa vision de l'amour, Alain Finkielkraut. Alors, le recueil s'intitule « Risibles amours ». Et il faut savourer la force de ce titre, si vous voulez. C'est une tristesse aussi, non ? Anti-romantique ou post-romantique. Et un peu triste quand même, non ? Vous ne trouvez pas ? Oui, mais enfin, en même temps, oui, sauf que l'amour, pour nous, ce n'est jamais risible. Avant la période 68, où on a voulu, si vous voulez, changer de Dieu, remplacer l'idole de l'amour par celle du désir, eh bien, l'amour était la valeur suprême. Ça ne pouvait rien avoir de risible. Et Kundera met en scène des situations où l'amour peut être ridicule, peut provoquer aussi des malentendus, premièrement. Deuxièmement, Kundera a eu une période lyrique. Et le lyrisme, en effet, le lyrisme lui est odieux, parce que le lyrisme, c'est cette façon de, pour l'individu, de, si vous voulez, de s'émerveiller de lui-même. Le lyrisme, c'est une démesure de la subjectivité. C'est un narcissisme ? Ça peut être un narcissisme, puisque c'est la subjectivité qui se répand dans l'être et qui s'enchante de la musique même qu'elle produit. Et Kundera est très hostile à ce subjectivisme. Il a parfois tendance à confondre poésie et lyrisme subjectif. C'est peut-être aller trop loin, car la poésie, la grande poésie, c'est, pour reprendre le titre magnifique de Francis Ponge, le parti pris des choses. Et les choses, il faut élargir le concept. Les choses, c'est tout ce qui n'est pas soi. C'est-à-dire, c'est le monde, c'est la terre, c'est la nature, et de tout cela, le poète nous parle. Et et aujourd'hui, nous ne savons plus écouter les poètes. Ils ont disparu, et ça a à voir avec la dévastation de la terre. Donc, les écologistes feraient bien, au lieu d'opposer leur technique à une autre technique, de se mettre à l'école des poètes. Donc, et d'ailleurs, Kundera le sait, parce qu'il y a des moments poétiques dans son œuvre, énormément, mais c'est toujours cette poésie objective, cette poésie du parti pris des choses. Il est vrai que il a commencé à écrire quand il s'est libéré de cette effusion lyrique de la jeunesse. D'ailleurs, La vie est ailleurs est un livre qu'il voulait intituler L'âge lyrique. L'âge du romancier a commencé avec la maturité. Alors je voudrais qu'on prenne un exemple, ou plutôt même deux exemples que vous prenez vous-même dans votre livre, Alain Finkielkraut. C'est d'abord l'exemple du personnage de Fleischmann, qui est précisément dans ce recueil Risibles amours, l'un des personnages de la nouvelle Le Colloque. Et puis après, on parlera peut-être, si on a le temps, de Jaromil. Mais d'abord, Fleischmann, quelle est l'histoire finalement de ce personnage et en quoi est-il représentatif de ce que Kundera n'aime pas et dont vous venez de nous parler ? Disons que si j'en ai parlé dans mon ouvrage, c'est parce que Fleischmann est le premier personnage kundérien qui dit « je t'aime » à utiliser la formule Je t'aime. Il est étudiant en médecine. Une petite fête a lieu dans la salle de garde de l'hôpital où il fait son stage. Et Elisabeth, une infirmière, se montre très coquette avec le docteur Havel. Comme on fait dans les salles de garde. Le docteur Havel est le grand collectionneur. C'est l'homme à femme. Et les autres membres de son service, ont, à son propos, et d'ailleurs ils le lui disent, ces mots extraordinaires, on vous connaît, vous êtes comme la mort, vous prenez tout. Mais puisque vous prenez tout, pourquoi est-ce que vous ne prenez pas Elisabeth ? Et en effet, c'est étrange, mais le docteur Havel fait plus que de refuser de prendre Elisabeth, il fait une plaisanterie. Encore une. La plaisanterie, bien sûr. Il fait croire à Fleischmann, qui, lui, a des vues sur la doctoresse, que Elisabeth est amoureuse de lui. Mmh. Or, Fleischmann, lui, n'est en fait préoccupé que de lui-même. Il se regarde avec d'autant plus de fascination, ou en tout cas de frénésie, que en lui il ne voit rien de substantiel. Voilà, rien de solide. Il n'est pas consistant. Voilà, qui est-il? Il ne le sait pas. Donc il se donne une contenance, et cet effort absorbe toute son attention. Mais ce Narcisse insatisfait, puisque il ne saisit pas son image, eh bien on lui dit que Elisabeth est amoureuse de lui. Donc évidemment, sa vanité accueille avec plaisir cette nouvelle. Et du coup, après, il tombe amoureux. Il tombe amoureux d'elle, mais comment? Pourquoi? Parce que Elisabeth a esquissé un striptease devant le docteur Havel, que ça a tourné à sa déconfiture, qu'elle en était désolée, et que il la retrouve dans les toilettes. Elle avait absorbé des somnifères, le gaz était allumé. Est-ce que elle a voulu se suicider ou non? On n'en sait rien, parce que docteur Havel, toujours dans sa plaisanterie, lui avait donné ses somnifères en lui faisant croire qu'il s'agissait de cachets pour la tenir éveillée. Toujours est-il que le pauvre Fleischmann va à l'hôpital avec des fleurs, et il dit « Elisabeth, ma chérie, c'est pour toi que j'ai apporté ces fleurs. » Elisabeth hébété, mais pour moi, oui, pour toi, parce que je suis heureux d'être ici avec toi, parce que je suis heureux que tu existes, Elisabeth, peut-être que je t'aime. Voilà. Et tout d'un coup, voilà. C'est-à-dire que il est fasciné, non par Elisabeth, mais par l'image de cet amour, un amour grand comme la mort, et il devient amoureux de cette histoire d'amour, à laquelle il se met à croire éperdument. Là encore une fois, c'est l'amour de l'amour, le romantisme de l'amour, les récits faits autour de l'amour qui nous détournent de l'être que l'on pourrait éventuellement aimer. Mais est-ce que ça ne fait pas partie, et ça c'est une question que je pose aux philosophes, de l'amour tout simplement? Peut-être que là le cas est un petit peu extrême. Est-ce que ça ne fait pas partie de l'amour, les histoires qu'on se raconte autour de l'amour? Est-ce qu'il n'y a pas une tristesse à vouloir simplement assécher l'amour pour n'en faire qu'une relation simple de moments passés avec une personne qu'on apprécie? Votre question est très intéressante, parce que il y a un des plus grands écrivains, un des plus grands romanciers du monde, qui pense comme vous, et qui va très loin. Je n'ai pas dit que je pensais loin. Ça, je vous pose la question. Qui va très loin dans cette réflexion, c'est Proust. Proust dit que l'amour n'est fait que des histoires qu'on se raconte. L'homme est l'être qui ne peut sortir de soi, qui ne connaît les autres qu'en soi, et en disant le contraire, ment. Donc l'amour est une projection. Et à un moment donné, dans Le Côté de Guermantes, le narrateur écrit « Je me rendais compte de tout ce qu'une imagination humaine peut mettre derrière un petit morceau de visage, comme était celui de cette femme, si c'est l'imagination qu'il a connue d'abord. Et inversement, en quels misérables éléments matériels et dénués de toute valeur pouvait se décomposer ce qui était le but de tant de rêveries, si au contraire cela avait été connu d'une manière opposée par la connaissance la plus triviale. Et Proust nous dit que l'amour est un quiproquo, c'est-à-dire que Swann d'abord, mais après le narrateur dans toutes ses expériences, se raconte des histoires. Albertine ne ressemble pas à l'Albertine imaginée, ni la princesse, ni la duchesse de Guermantes, ni Gilberte, ni Odette de Crécy. Et il y a chez Proust même un fanatisme, si vous voulez, une hostilité fanatique à l'amour. Voilà. À l'idée d'une objectivité de l'amour. L'amour, ce sont les rêves que l'on construit. Eh bien, moi, je proteste. Vous protestez. Du plus profond de mon expérience contre cette vision des choses. Et je trouve là d'ailleurs que Proust n'est plus romancier, mais essayiste. Et il fait preuve d'un dogmatisme. Enfin, Kundera est aussi échevelé. Souvent essayiste, hein. Oui, puisque, mais en général, mais chez Kundera, la lecture est tout à fait guidée. Que lui, parce qu'il décrit des expériences diverses, alors que Proust n'en décrit qu'une seule. Mais surtout, si Kundera en veut à l'amour de l'amour, s'il ridiculise les histoires que l'on se raconte, c'est parce que précisément cette façon d'être et de voir nous détourne de l'objet aimé et de ce qu'il peut avoir d'extraordinaire, d'aimable, si vous voulez. Moi, c'est ça mon procès, le procès que je fais à l'amour de l'amour. C'est parce que quelquefois, le visage de l'autre, l'objet aimé, peut recéler effectivement des merveilles, et c'est à cela que l'amour doit s'intéresser d'abord. Et si l'expérience amoureuse a quelque chose d'extraordinaire, c'est précisément parce que elle nous fait accéder sur autrui à une lumière supérieure et qu'elle nous fait rencontrer parfois des êtres non seulement qui en valent la peine, mais qui sont d'une qualité extraordinaire. Alors, on pourrait prendre un autre exemple avant de passer finalement aux solutions, car Kundera finalement présente presque des solutions pour sortir finalement de ce type d'amour que vous décriez. On pourrait quand même évoquer l'histoire de Jaromil rapidement pour dire que l'amour romantique peut avoir, selon Kundera, des conséquences absolument tragiques. Ah oui, non mais là, La vie est ailleurs est un livre... Voilà, La vie est ailleurs. Terrible, donc c'est aussi une critique de la poésie, puisqu'il voit dans ce... Dans le printemps... non pas le printemps de Prague, mais la révolution de 1948, et beaucoup d'épisodes révolutionnaires, l'alliance du poète et du bourreau. Mais c'est le poète au sens lyrique que je disais tout à l'heure. Et ce Jaromil, en effet, jeune poète, croit en l'amour et il aime une femme, mais il veut que leur amour soit absolument total. Elle a un rendez-vous avec lui, elle arrive en retard, il lui fait une scène, elle ne sait pas comment justifier son retard, elle lui donne une excuse à laquelle il ne croit pas, et au dernier moment, elle change de version. Ne fût-ce que pour calmer sa jalousie, cet homme qui veut un amour total, une réciprocité absolue, une fusion. Et donc, il ne sait pas, et donc, elle lui dit qu'elle était chez une, non pas chez une copine, mais chez son frère, et que celui-ci s'apprêtait à partir, et qu'elle devait lui faire ses adieux. Partir, c'est-à-dire trahir la révolution. Et Jaromil est aussi dévoué à la révolution qu'il est dévoué à l'amour. Et donc, il va dénoncer ce frère. Voilà, qui sera donc emprisonné. Ce frère est emprisonné, la jeune femme est emprisonnée, elle-même, et on sait, à son retour de prison, lors d'une rencontre avec le quadragénaire, l'homme en fait avec qui elle était le jour où elle est arrivée en retard, qu'elle a dit cela à Jaromil alors que c'était faux, et que donc il a ruiné la vie de son frère, il a ruiné la sienne de manière absurde du fait de son dévouement conjugué, si vous voulez, à l'amour absolu et à la révolution totale. Alors, c'est effrayant. Il y a, dans la manière dont vous en parlez, Alain Finkielkraut, quelque chose qui m'interroge beaucoup, parce que vous dites qu'au fond, le romantisme, le lyrisme, la passion, tout cela, ça n'est pas intéressant, parce que ça nous empêche finalement de voir les choses telles qu'elles sont importantes. Et en même temps, vous êtes vous-même une personnalité, et d'ailleurs on l'entend quand vous parlez de littérature, à la fois passionnée, lyrique et pourquoi pas romantique. Alors il y a quelque chose qui m'interroge un peu. Écoutez, oui, enfin, de toute façon, le romantisme est un mouvement de pensée extraordinairement important. Simplement, c'est cette part du romantisme qu'on peut mettre en question, à savoir la valorisation du sentiment comme tel. Le sentiment, la supériorité du sentiment sur tout autre, sur mais tout la littérature, autre c'est beaucoup modalité ça, le sentiment, de l'âme. Voilà. Bon, mais c'est tout. Sinon, vraiment, moi, je ne suis pas anti-romantique, et ce serait absurde de l'être. Je crois que nous vivons en tant que modernes sous le double héritage des Lumières et du romantisme, et nous devons, si vous voulez, accepter, consentir à ces deux héritages, ne pas rejeter l'un au nom de l'autre. Je suis peut-être assez intensément, en effet, présent dans ce que je dis et ce que j'écris. Mais encore une fois, la critique de l'amour que j'essaye de formuler, c'est toujours au nom d'une autre idée de l'amour. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de solution, le mot était mal choisi, mais en tout cas, Kundera, pour sortir un petit peu ses personnages de cette idée du romantisme, invente d'autres personnages qui sont des personnages de libertins. Et là, finalement, il y a quelque chose qui semble aller vers un mieux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi, pour Kundera, c'est mieux d'être libertin que d'être un jeune romantique lyrique ? Non, je ne dirais pas que c'est mieux d'être libertin. Oui, il a des personnages qui sont des coureurs, si vous voulez. Et notamment, d'ailleurs, ce quadragénaire qui est présent dans la dernière partie de La vie est ailleurs. Précisément parce qu'il a vieilli, il a grandi, et donc il n'est pas dans l'indétermination de la jeunesse. Oui, c'est ça. Et ce qui est étonnant, justement, c'est que il incarne pour Kundera un peu un modèle, parce que il n'a plus il est sorti du moment lyrique de sa vie. Alors, évidemment, ça nous met en quelque sorte en porte-à-faux avec l'état d'esprit dominant de notre époque, où nous considérons que le moment fort et de l'amour et du désir, c'est la jeunesse. Et d'ailleurs, 68... Révolte au nom du désir était une révolte de la jeunesse contre toutes les formes de vieillissement. Et Kundera nous dit non, le moment idéal de l'amour et du désir, ce n'est pas la jeunesse, c'est la maturité. Et s'il y a en effet quelque chose comme un modèle d'existence chez ce personnage, c'est à travers le concept d'amitié érotique. Oui. Voilà. Mais il fait aussi souffrir ce personnage. Une amitié érotique qui lui évite de tomber dans les pièges de la fusion. Mais ce personnage, qui donc ne souhaite pas s'attacher, déteste finalement que les femmes lui disent qu'elles l'aiment, eh bien, il fait souffrir tout de même la femme qu'il aime véritablement, c'est-à-dire Teresa. Donc il y a quand même dans ce donjuanisme quelque chose qui semble problématique, Alain Finkielkraut. Ah, mais bien sûr. De toute façon, Kundera n'explore, car il est romancier, que des situations problématiques. Il ne nous propose pas, dans ses romans, si vous voulez, un schéma d'existence. Ce n'est pas un moraliste, ni un moraliste à l'envers, qui nous dit « voilà comment vous devez vous conduire, sortez de la fusion, de l'idéal fusionnel pour devenir des libertins courtois. Pas du tout. Chaque mode de vie une préférence connaît même ses impasses. Entre les ce qui est très beau, c'est que la plus belle, la plus forte histoire d'amour de racontée par Kundera, c'est l'amour, c'est le lien qui unit Teresa et Thomas dans l'insoutenable GRT de l'être. Thomas est un coureur invétéré et il est malgré lui affecté par un amour qui ne cessera qu'à sa mort. Et c'est précisément de cet amour-là que nous allons parler en seconde partie de cette émission juste après la chronique d'Alexis Broca. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Alexis Broca, du nouveau magazine littéraire, bonjour à vous. Bonjour Mathieu, bonjour Alain. Vous êtes lecteur, bonjour. Je crois, de Kundera, que vous avez lu dans votre jeunesse, que vous lisez peut-être encore. Oui, je lis encore, bien sûr, je l'ai un petit peu étudié à la fac. Après, j'étais très intéressé par les propos que vous avez tenus dans cette première partie, parce que j'avais jamais analysé Kundera sous cet angle-là, sous l'angle du refus de l'amour. Et ça me rappelle un petit peu Don Quichotte. Il y a quelque chose de commun, j'ai l'impression, dans le travail de Kundera pour déconstruire les illusion autour de l'amour. Regardez les livres que brûlent les amis de Don Quichotte au début de Don Quichotte. Ce sont tous des livres de chevalerie dans lesquels ces chevaliers sont extrêmement amoureux de filles qu'ils n'ont jamais vues souvent et au nom desquelles ils passent 7 ans tout nus sous des rochers pour prouver leur bravoure. Don Quichotte lui-même est amoureux d'une dulcinée qu'il n'a jamais vue. Don Quichotte, en quelque sorte, est amoureux de l'idée chevaleresque de l'amour et j'ai l'impression, et le travail de dessillation mené par Cervantes est salutaire, j'ai l'impression que ce que Kundera poursuit dans cet angle-là. Alain Finkielkraut, très rapidement. Je pense que vous touchez très juste. Pour Kundera, Cervantes est avec Rabelais le fondateur du roman moderne. Lui-même dit qu'il doit tout à Don Quichotte et dans Le Rideau, il dit que le travail du roman, c'est précisément de déchirer le rideau de légende que nous construisons autour de nous. Il y a une lutte, si vous voulez, entre le roman et les fantasmes romanesques qui sont ceux de chacun dans sa vie, si vous voulez. Donc c'est Don Quichotte qui est le premier met en scène ce combat et Kundera sera éternellement reconnaissant à Cervantes de ce travail de pionnier. Alexis Broca, il est également question d'amour dans le dossier du nouveau magazine littéraire dont vous venez nous parler, puisque vous nous parlez de Cyrano de Bergerac. En effet, c'est une autre façon de parler d'amour. Nous croyons tous connaître le personnage de Cyrano. Pour nous, il représente le panache français. Et depuis que Gérard Depardieu l'a incarné, eh bien, il nous apparaît aussi comme une force de la nature, forte en gueule, fière à bras, virile. Bref, un digne mousquetaire des cadets de Gascogne qui, comme dit la chanson de Rostand d'ailleurs, font cocu tous les jaloux. Or, c'est pas tout à fait ça. Cyrano est un personnage bien plus complexe que ce parangon de virilité, et c'est pourquoi, à nos yeux, il méritait bien un dossier 100 ans après la mort de son auteur. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce dossier, Alexis ? Alors, on trouve beaucoup de choses. Ça commence par un grand texte de notre rédacteur en chef, Hervé Aubron, qui se penche sur la figure profilée de Cyrano, et il nous prévient, même si c'est tentant, il ne faut pas voir en Cyrano un Gaulois rabelaisien. Si c'est en effet un monstre de chair, eh bien, ce monstre ne sait pas en jouir, puisqu'il aime Roxane par le truchement de Christian. Son fameux nez obscène s'apparentant à un phallus, il ne peut s'épancher puisqu'il est voué à la solitude. Autrement dit, comme l'écrit Hervé Aubron, Cyrano se promène avec un sexe désœuvré au milieu de la figure, ce qui est à la fois une force et une faiblesse, dès lors que personne n'en veut. Oui, donc surtout une faiblesse. On trouve également un texte de Patrick Dandré dans ce dossier, Alexis. Oui, en effet, on est très fiers d'avoir un article de Patrick Dandré, le grand professeur de littérature classique, qui nous raconte les origines du personnage, puisqu'en effet, le Cyrano de Rostand part d'un Cyrano réel. Il s'appelait Savinien Cyrano dit de Bergerac. Alors, il ne fut pas cadet de Gascogne, mais il combattit quand même chez les mousquetaires. Il fut mêlé à de très nombreuses bagarres. Il était par ailleurs écrivain. C'était un écrivain très insolite qui sévissait vers la fin du règne de Richelieu. Parmi ses œuvres, on peut citer les très étonnants « État et Empire de la Lune » et « État et Empire du Soleil ». Qui mène le science critique sociale, science-fiction et science pour rire, puisque, entre autres incongruités, Savinien imagine que les habitants de la Lune, les sélénites, comme il les appelle, se nourrissent de bonnes odeurs, vénèrent les longs nez et que chez eux, les enfants obéissent. Alors, ces œuvres furent complètement négligées, en fait, par les gens de lettres de son temps. Et ensuite, ce sont les romantiques qui les ont sauvées, qui les ont célébrées. Et c'est par là, en fait, que Rostand a rencontré Savinien. Alors, bien sûr, il a largement réécrit son histoire, puisque loin d'être amoureux de sa cousine Roxane, Savinien était homosexuel et n'en faisait pas du tout mystère. Voilà, ça fait une différence petite, mais quand même présente. Il est question de la figure de Rostand aussi, dans oui, ce dossier. Alors, c'est très paradoxal. Cyrano est une des pièces les plus jouées. Pourtant, on connaît assez peu Rostand. Et on mesure mal aussi quel succès ce fut à sa création. En fait, plus qu'un succès, c'était vraiment un triomphe. Hein. Tout le monde aimait Cyrano, cléricaux et anticléricaux, Dreyfusards et anti-Dreyfusards. Et cette réception, qui était unanime, fait l'objet d'un passionnant texte de Robert Cobb, qui est le spécialiste de la littérature 19e et 20e, un spécialiste de la littérature 19e et 20e. Et en tout cas, ce triomphe vint à point pour Rostand. Rostand, c'était un enfant de la bourgeoisie marseillaise progressiste, qui entraînait des rapports vraiment très compliqués avec l'écriture. Il souffrait beaucoup, doutait beaucoup. Et sans le secours de sa femme Rose, qui était une femme de lettres, il ne serait sans doute jamais parvenu à terminer son Cyrano. Et curieusement, le succès de la pièce, qui était incroyable, il a reçu la Légion d'honneur 3 jours après la première. Mmh. Donc, il faut imaginer que c'est quelque chose comme ça. Le succès de la pièce ne l'a pas libéré. Il a accumulé les honneurs. Il est devenu, à 33 ans, le plus jeune membre de l'Académie française. Mais bon, c'était plutôt une sorte d'embaumement. Il a continué à souffrir des mêmes doutes, de la même tendance à la procrastination et à produire de moins en moins. Alors, il a quand même écrit L'Aiglon en 1900. Mais après, il faut attendre 10 ans pour qu'il parvienne à produire une autre pièce qui est Chantecler, qui est une fantaisie galinacée qui se déroule dans une basse-cour et qui fut, si j'ose dire, son chant du cygne. Oser, ce serait dommage de la rater. Mais oui. Merci beaucoup Alexis Broca. Prie, tout cela et bien plus encore à retrouver dans les colonnes du nouveau magazine littéraire. Voilà. Vous écoutez la compagnie des auteurs sur France Culture. Dans la première partie de cette émission, nous avons vu comment Kundera passait de la dénonciation de l'amour romantique et lyrique à l'hypothèse de l'amour libertin, mais cette figure du libertin ne le satisfait pas totalement non plus, comme nous allons le voir dans cette seconde partie, toujours avec Alain Finkielkraut. Confus de ses idées, une pensée blasphématoire, dont elle ne peut se débarrasser, germe dans l'esprit de Teresa. L'amour qui la lie à Karénine est meilleur que l'amour qui existe entre elle et Thomas. Meilleur, pas plus grand. Teresa ne veut accuser personne, ni elle, ni Thomas. Elle ne veut pas affirmer qu'ils pourraient s'aimer davantage. Il lui semble plutôt que le couple humain est créé de telle sorte que l'amour de l'homme et de la femme est a priori d'une nature inférieure à ce que peut être, tout au moins dans la meilleure de ses variantes, l'amour entre l'homme et le chien, cette bizarrerie de l'histoire de l'homme que le Créateur n'avait sans doute pas prévue. C'est un amour désintéressé. Teresa ne veut rien de Karénine. Elle n'exige même pas d'amour. Elle ne s'est jamais posé les questions qui tourmentent les couples humains. Est-ce qu'il m'aime? A-t-il aimé quelqu'un plus que moi? M'aime-t-il plus que moi je l'aime? Toutes ces questions qui interrogent l'amour, le jauge, le scrute, l'examine. Est-ce qu'elle ne risque pas de le détruire dans l'œuf? Si nous sommes incapables d'aimer, c'est peut-être parce que nous désirons être aimés, c'est-à-dire que nous voulons quelque chose de l'autre. L'amour, au lieu de venir à lui sans revendication, et de ne vouloir que sa simple présence. Till the sunlight, sleep on time, till the sunlight. Lecture d'un passage de l'insoutenable légèreté de l'être, passage qui évoque cet amour plus grand que serait l'amour désintéressé qu'on porte à un animal. Ça a tout de même quelque chose d'une défaite, Alain Finkielkraut, qu'en pensez-vous ? Oui, mais là, malgré mon immense admiration, je risquerais un petit désaccord avec Kundera. On peut très bien comparer l'amour pour un chien et l'amour pour un homme, ça, ou pour l'amour pour un homme ou pour une femme. Je ne suis pas, si vous voulez, anthropocentriste au point de considérer que seules les relations entre êtres humains ont de la valeur. Mais quand même, quand il dit que Teresa n'exige rien de Karénine, il pousse. Parce qu'on n'a pas besoin d'exiger quoi que ce soit d'un chien. Son amour est là, donné, et c'est un amour sans limite. C'est une bizarrerie de la nature, le chien. Aucun animal n'est fou des hommes comme les chiens. Et d'ailleurs, les chiens peuvent rendre les hommes un peu mégalomanes. C'est-à-dire, si vous avez des chats, tout le monde connaît cette position, mais c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez, vous, alors, un chat ou un chien ? Quelquefois, vous réussissez à vous faire aimer de votre chat, mais c'est pas simple. Et puis, il y a une autonomie, une indépendance, une souveraineté quasi méprisante du félin qu'on ne retrouve pas chez le chien. Il vous accueille, si vous voulez, comme si vous étiez Dieu. Oui. Donc, si vous voulez, le chien divinise son maître. Donc, en effet, le maître n'a pas d'inquiétude à avoir, c'est sûr. Mais alors, dans l'insoutenable légèreté de l'être, le chien Karénine meurt d'un cancer, et c'est une scène dont vous dites qu'elle est tout de même déchirante. C'est une scène d'amour aussi, d'une forme d'amour. Absolument, non. C'est une des plus belles scènes de la littérature. Ce chapitre, le sourire de Karénine, est bouleversant. Kundera nous dit quelque chose de cette relation et surtout de l'individualité des chiens, parce que c'est pas n'importe quel chien, c'est le chien Karénine. Et là, je dois dire que il est absolument au sommet de son art. Et en effet, je comprends très bien qu'on puisse pleurer un chien comme on pleure un être cher. Ça, je considère que c'est tout à fait normal. D'où la difficulté, d'ailleurs, d'avoir des chiens. Parce que vous prenez un chien à sa naissance, et vous savez qu'il va mourir avant vous. Vous êtes 15 ans avec lui, vous avez le temps de vous attacher, et l'épreuve du deuil est très difficile à soutenir. Alors, vous parlez du deuil, justement, dans ce petit livre, enfin, ce chapitre, en fait, de votre petit livre, pour faire référence à un autre livre de Kundera et au personnage de Tamina, dans le livre du rire et de l'oubli, et ça va nous ramener à la question de l'amour. Alain Finkielkraut. Oui. Alors j'aimerais qu'on revienne un peu sur Agapé aussi, si vous voulez bien. Oui, tout à l'heure. Ça peut aller aussi ensemble. Enfin, d'accord. Je veux bien qu'on dise un mot sur Tamina, puis on reviendra bien sûr sur Agapé, qui est le point assez important de la pensée. Oui, alors Kundera. Tamina, c'est l'un des plus beaux personnages de Kundera. Et là, je fais une petite parenthèse, c'est-à-dire que Kundera a des personnages féminins magnifiques. Teresa, Tamina, Sabina aussi, dans l'insoutenable légèreté de l'être, et il a été accusé de sexisme et de misogynie. Je pense que le féminisme MeToo n'aime pas beaucoup Kundera, et c'est la raison principale pour laquelle il n'a pas obtenu le prix Nobel. Il y a un double scandale. Philippe Roth n'a pas eu le Nobel, Kundera n'a pas eu le Nobel. Ce sont les deux plus grands écrivains de la deuxième moitié du XXe siècle. C'était bien avant MeToo qu'on pensait donner le Nobel à Kundera. Pour cette raison-là. Et Roth. Enfin, à l'époque, on parlait pas du tout. Mais on parlait pas de MeToo. Mais on parlait de sexisme. On parlait de misogynie. On parlait de phallocratie. Et Kundera a été accusé de cela, ainsi que Philippe Roth. Et Viviane Gornick, l'une des principales dénonciatrices de Roth, a été interviewée, je crois que c'était dans l'Obs. Hein, il y a quelques jours, parce que c'est une féministe qui fait une grande tournée en Europe aujourd'hui, et elle dit, et c'est le titre de l'article, Roth détestait les femmes. Et je suis content, et répétez-le. Et donc, il le répète tellement qu'il le met en titre. Et c'est pour ça qu'il n'a pas une Nobel, alors qu'il y a aussi des personnages féminins extraordinaires. Simplement, il a présenté une femme qui n'avait pas toutes les qualités, ça, notamment dans Ma vie d'homme. Et ça a suffi à le classer. Et ça, je veux le dire, parce que cette manière, c'est cette façon qu'a l'idéologie de se mêler de la littérature est atroce. Ce n'est plus le stalinisme, c'est autre chose, mais le féminisme mérite mieux que ce genre d'excommunication. Vous diriez que surtout que quand ce sont les deux plus grands écrivains du monde qui en sont victimes. Vous diriez que Kundera est davantage féministe. Vous diriez qu'il est féministe, c'est un mot, une expression que vous pourriez... Non, il n'est pas du tout féministe, pas du tout. Mais enfin, il a des personnages féminins merveilleux. Et on s'en fout. Je veux dire, un romancier n'a pas à être féministe. Philip Roth n'est pas féministe. C'est quand même pas le problème. On va pas enrôler les romanciers. Les romanciers, les mots qui se terminent en iste ne sont pas faits pour eux, hein. Quand on généralise la souffrance, dit Philip Roth, on a le communisme. Quand on particularise la souffrance, on a la littérature. C'est la littérature, Roth et Kundera, et ce n'est rien d'autre. Et alors, on particularise la souffrance, on singularise quelqu'un, c'est Tamina. Tamina a émigré en France après l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie pour mettre fin au printemps de Prague. Son mari, qu'elle adorait, meurt, et elle veut absolument en garder le souvenir, Tamina. C'est ça qu'elle veut. Et c'est très beau. Elle ne veut pas en faire le deuil, voilà. Et c'est le contraire de Freud. Freud vous présente le travail du deuil de manière extrêmement brutale. C'est un article terrible, Deuil et mélancolie. C'est-à-dire, c'est un travail, le deuil, qui consiste à nous sortir de la dépendance à l'égard du mort. Voilà, il faut se retrouver disponible pour la vie, parce que sinon c'est pathologique. Alors que Tamina revendique cette pathologie, il y a chez Kundera, c'est très intéressant, Kundera c'est un libertin, on le dit, etc. Mais il y a chez Kundera une réflexion sur la mort et sur la fidélité par-delà la vie. C'est la plus grande des fidélités, parce que le mort est faible. Le mort, c'est l'être le plus vulnérable qui soit. La seule chose qui tienne, c'est les promesses qu'on lui a faites. C'est la loyauté que l'on lui doit. Et c'est ça. Donc, Tamina revendique son deuil contre le travail du deuil. Et alors, cette manière, justement, de rester par l'esprit fidèle à son mari, c'est peut-être une forme d'amour qui nous permet de revenir à l'agapé, Alain Finkielkraut, parce que c'est peut-être un amour chrétien, c'est peut-être un amour, mais qui en même temps est anti-libertin, et c'est là où... Bon, oui, c'est pour ça que Kundera est un auteur qui explore l'existence dans ce qu'elle a de contradictoire, de profond et de problématique. Mais je ne dirais pas que c'est un amour chrétien. Simplement, dans l'essai que j'ai écrit sur l'amour chez Kundera, j'ai cité, un peu comme un clin d'œil, en me disant s'il va le lire, ça, il va sursauter, parce que j'ai cité Joseph Ratzinger, oui. Benoît XVI. Kundera, c'est un hédoniste, si on peut le définir, c'est un hédoniste irreligieux. Et tout d'un coup, qu'écrit Ratzinger, même si initialement l'éros est surtout sensuel, lorsqu'il s'approche ensuite de l'autre, il se posera toujours moins de questions sur lui-même. Il cherchera toujours plus le bonheur de l'autre, il se préoccupera toujours plus de l'autre, il se donnera et désirera être pour l'autre. C'est ainsi que le moment d'agapé s'insère en lui. Et le moment d'agapé s'insère dans la relation de Thomas et de Teresa, parce que la source et le fondement de son amour, c'est en effet la compassion, c'est-à-dire la capacité de souffrir avec Teresa quand elle est malade. Et c'est un moment, si vous voulez, tout à fait singulier, vous dites libertin, et là, malgré lui, sa liberté vire en responsabilité. Par la rencontre de cet être vulnérable, il est comme dégrisé de son égoïsme. À tel point qu'il va, alors qu'il avait réussi à fuir la Tchécoslovaquie pour aller exercer son métier prestigieux de chirurgien dans un pays libre, il va revenir pour pouvoir vivre avec Teresa en Tchécoslovaquie, où il a tout perdu, et ils vont faire sécession de plus en plus avec le monde et mourir tragiquement. Tragiquement, hein, comme quoi la tragédie, elle existe aussi chez Kundera, mais ensemble. Ils vont mourir ensemble, et en effet, captif de son amour, il retourne dans son pays captif. Il était à Zurich, il s'était assuré une bonne situation. Teresa, fatiguée de ses infidélités, était revenue en Tchécoslovaquie, donc il avait, si j'ose dire, quartier libre, il l'aime, il revient vers elle, mais en même temps, ce ne sont pas des militants, ce ne sont pas même des dissidents, ils préfèrent s'échapper et donc ils se réfugient en quelque sorte dans une coopérative et c'est là qu'ils connaissent un bonheur idyllique, un bonheur fondé sur sur la répétition. Un petit peu comme Kundera, quand il est parti de Tchécoslovaquie, a connu un bonheur, dit-il, idyllique pendant 2 ou 3 ans à Rennes, en France avec sa femme Vera. Oui, peut-être, mais enfin, en France, il était là, il était sur la scène publique, il écrivait des livres. L'idylle, c'est la douceur de la répétition. Même la blague, même l'humour est marqué par la répétition. Par exemple, il y avait cette blague rituelle du président de la coopérative qui promène son cochon Méphisto. Les cochons peuvent être, on ne le sait plus aujourd'hui, étant donné les conditions épouvantables qu'on leur fait dans l'élevage sensationnaire, que ce sont des animaux très sensibles et qu'ils peuvent être de merveilleux animaux domestiques. Donc il promène son cochon Méphisto et chaque fois, animal de compagnie, chaque fois qu'il croise Teresa, il lui dit « Madame Teresa, si seulement je l'avais connue plus tôt, on aurait couru les filles ensemble, aucune femme ne résiste à 2 cochons. » Et s'il avait connu son cochon plus tôt, en quelque sorte. Voilà. Donc, c'est ça. L'amour, c'est ça. Et donc, finalement. Et en même temps, en effet, leur mort est tragique, puisqu'ils meurent ensemble dans un accident de camion. On le sait bien avant la fin du roman. Donc, toute cette histoire est placée à l'ombre de la mort à venir des 2 héros. C'est une mort qui nous est douloureuse. Mais d'un autre côté, en effet, Kundera leur fait le cadeau, la grâce de mourir ensemble. Parce que qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est une aliénation positive, c'est cet état où l'autre, et même la vie de l'autre, compte plus que votre vie. Et l'amoureux ne rêve que d'une chose, alors qu'il a peur de la mort, bien sûr. Qu'il est un conatus qui pèse dans son nez, il ne rêve que d'une chose, mourir avant l'être aimé, ne pas emporter le deuil. Et là, tout d'un coup, Teresa et Thomas meurent ensemble. Mais vous ne trouvez pas quand même qu'il y a quelque chose que vous distinguez beaucoup dans la description que vous faites de l'agapé, de l'amour romantique dont on a parlé dans la première partie de cette émission. Mais à la fin, il y a aussi quelque chose qui se rejoint quand ces deux personnages ne veulent pas mourir autrement que l'un avec l'autre, on est quand même dans cette idée de l'amour absolu. Je pense que les jeunes étudiants qui s'aiment, ils ont aussi cette même envie-là. C'est vrai. C'est-à-dire que, en effet, par exemple, Lévinas, à sa manière, lui-même, critique la vision de l'amour comme fusion, comme communion de 2 êtres. Il dit que la vérité de l'amour, c'est la dualité insurmontable de 2 êtres. Et c'est vrai. C'est-à-dire, on voit l'autre et on se sent différent de lui. On sent qu'il a quelque chose d'insaisissable. Donc, la véritable expérience amoureuse n'est pas une fusion. Mais en effet, dans l'idée de mourir ensemble, il y a quelque chose comme un idéal fusionnel qui fait retour. Un idéal fusionnel, finalement, très antérieur au romantisme, puisqu'il rejoint la légende antique de Philémon et Baucis, ce couple de paysans qui avait reçu dans sa chaumière Zeus et Hermès, voyageant incognito, alors que toutes les maisons alentour fermaient les verrous. Et alors, Zeus et Hermès n'ont pas pardonné aux inhospitaliers, ils ont envoyé le déluge sur eux. Ouais. Et le roi des dieux a demandé à Philémon et Baucis ce qu'il souhaitait, ce qui a été répondu par Philémon, puisse la même heure nous emporter tous les deux. Puissais-je ne jamais voir le bûcher de mon épouse et ne pas être mis par elle au tombeau, ce vœu se réalisa. Et le jour dit, ils ont été ensemble transformés en arbres. Merci Alain Finkielkraut. Je rappelle votre livre « Et si l'amour durait » paru en 2011 aux éditions Stock et disponible aujourd'hui dans la collection Folio. Et puis également votre ouvrage « Un cœur intelligent », on n'en a pas vraiment parlé, mais vous y évoquez notamment la plaisanterie de Milan Kundera, ouvrage paru en 2009 chez Flammarion. Cette émission a été rendue possible grâce à Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Stéphanie Vélin et Dali Yara. Demain, dernier épisode de notre série consacrée à Kundera. Dans la compagnie des auteurs, nous parlerons de son rapport à l'engagement ou à son absence d'engagement. Nous parlerons de Sartre aussi et Kundera. Ce sera avec Hélène Batty de Lalande. Et ensuite, François Taillandier nous parlera, lui, de la liberté que l'écrivain Kundera lui a permis d'acquérir dans sa propre pratique d'écriture. Tout de suite, la poésie, Jacques Bonnafé. Bonjour, bonjour à tous, bonjour la compagnie. Yvon Le Maine nous rapporte des voyages. Non, un livre de voyage, oui, un cri fendu en mille, c'est un livre de retour. Retour à ses destinations lointaines. Helsinki, Delft, Lisbonne, Timisoara, Alger, Bamako, Gaza. Un peuple de trop sur la terre? Point d'interrogation. Et puis deux citations après le titre. Elle parvient maintenant aux couches de pierre et aux eaux souterraines, motif des guerres et déterminant de l'histoire, de l'avenir des peuples et des individus. C'est une citation de Yehuda Amichai. Et puis une autre de Mamoun Darwish. Nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens. Je suis là, maman. Ne t'inquiète pas. Je suis là, dit la jeune fille, à sa mère, à son père, à son frère, à sa sœur, à son pays. À moi qui l'écoute, par-delà la mer, par-delà le bruit des missiles dont elle parle, le bruit des bombes dont elle tait le bruit qu'elles font dans le ciel de Gaza. J'étais là, avant toi, par ma mère, par la mère de ma mère, jusqu'à l'infini de l'histoire, dans le fini de la géographie. Le peu de géographie à se partager pour le trop d'histoire à supporter. De cette histoire qui a commencé par une histoire. Au commencement était le Verbe. Au commencement j'étais là. Et le Verbe était Dieu. Et le dernier mot je l'aurai. Je serai là, dit la jeune fille, à sa mère, à son père, à son frère, à sa sœur, à son pays qui est aussi le pays de ceux de la terre de Gaza. Ils n'ont rien qu'une bande pour dire qu'ils sont là. Entre la mer qui ne peut plus les nourrir et la bordure protectrice qui protège, celle qui dit « je suis là, j'étais là, je serai là ». La mer nourricière qui ne protège plus les Palestiniens du blocus israélien venu de la mer, par où passerait leur vie pour une autre vie? Mais comment? Mais pourquoi? Nous sommes chez nous, nous aussi, dit ce pêcheur qui ne peut plus pêcher. Ils sont chez eux, eux aussi, pourrait dire, devrait dire, la jeune fille qui dit « Je suis là », à son pays israélien, à sa famille israélienne, pour la rassurer. Comme on rassure toutes les mères du monde, dans tous les pays du monde, même en Palestine. Prise entre deux bords, entre deux feux, ce qu'allument aussi les chefs de bande de la bande de Gaza. Texte d'Yvon Le Maine dans Un cri fendu en mille, Jacques Bonnafé, merci.